Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la traque du tireur parisien en novembre 2013. Le 18, un homme armé fait irruption au journal Libération, tire plusieurs coups de feu, blesse grièvement un jeune photographe et prend la fuite. Quelques heures plus tard, il lance une attaque à la défense contre une tour de la Société Générale. Enfin, il prend en otage un automobiliste puis s'évapore dans les rues de la capitale. Commence alors une traque suivie d'heure en heure par les chaînes de télé, la radio, Internet et finalement tous les Français. Qui est cet homme? Que veut-il? Pourquoi s'attaque-t-il à un journal et à une banque? Est-il seul? Va-t-il récidiver? Finalement, il est arrêté après 48 heures de chasse à l'homme et la découverte de son identité renvoie les Français bien des années en arrière sur une autre affaire qu'ils pensaient avoir oubliée. Cet incroyable flashback, la personnalité trouble et les explications floues de cet homme confèrent à cet épisode une curieuse résonance. La médiatisation de la traque, l'attaque ciblée de plusieurs médias, la succession de témoignages, toute cette série d'images donne à l'affaire une ampleur inédite. Quelques mois après Mohamed Merah et 2 ans avant les attaques contre Charlie Hebdo et l'hypercacher et 3 ans avant les attentats du 13 novembre, le tireur de Libération, bien qu'éloigné des enjeux posés par ces attentats, donne à voir un climat anxiogène, concomitant de notre époque. En seconde partie d'émission, nous reviendrons sur cette histoire avec Patricia Touranchot, journaliste pour le site lesjours.fr. Elle travaillait à l'époque au journal Libération. Elle a suivi de près cette histoire ainsi que le parcours du principal suspect. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Mésonome avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priot-Léizard, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Mehdi Fatah. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Paris, 18 novembre 2013. Il est environ 10h ce matin-là. Nous sommes au 11 de la rue Béranger, dans le 3e arrondissement de Paris, à quelques mètres de la place de la République. Depuis 26 ans, c'est ici que se trouvent les locaux du journal Libération. Curieux bâtiment que ce siège du quotidien de gauche. Ancien garage, il a la particularité de cumuler son état d'avant et sa fonction actuelle. Les 4 premiers niveaux sont occupés par un parking, puis les 5 suivants par les bureaux du journal. On entre donc un peu comme on veut à Libération. Oui, il suffit de passer une simple porte vitrée, puis de prendre un petit couloir au bout duquel se trouve l'accueil. Cette liberté, cette facilité d'accès, les employés du journal y sont attachés, comme une sorte de philosophie. Journal égale lieu de passage, espace ouvert. Ce matin du 18 novembre 2013 est un matin comme les autres. Aux alentours de 10h, journalistes et employés arrivent. Parmi eux, un jeune assistant photographe, César, qui vient prendre des clichés pour le prochain numéro de Next, le supplément magazine de Libération. Il fait des allers-retours entre l'entrée et l'accueil, derrière lequel se trouvent 2 personnes. Lui vient décharger du matériel. Ils sont donc 3 dans ce petit hall. Lorsque débarque un individu coiffé d'une casquette, habillé d'une longue parka kaki et portant un sac. La suite se passe en un éclair. L'homme sort un fusil de sa sacoche, le pointe en direction de la première personne qu'il voit et tire 2 fois. César s'écroule. Les autres se réfugient sous leur bureau. L'agresseur repart sans dire un mot. L'épisode n'aura duré que quelques dizaines de secondes, terribles, pendant lesquelles un jeune homme de 23 ans se retrouve à terre. Fabrice Rousselot, directeur de la rédaction de Libé, raconte. Je suis descendu, moi, dans le hall d'accueil, une fois que la nouvelle, si je puis dire, a commencé à remonter. Et la scène à laquelle j'ai été confronté est une scène vraiment terrible. C'est-à-dire que il y avait le jeune homme qui était toujours par terre, qui était touché. Il y avait malheureusement une grosse flaque de sang. Il y avait des impacts de ce qui ressemblait à chevrotine à plusieurs endroits sur les murs et sur ce qu'on appelle nos boîtes aux lettres, etc. Donc il y avait une scène qu'on n'a pas l'habitude de voir en effet dans un journal. La stupeur gagne le 11 rue Béranger après ce surgissement de violence. Un homme gisant au sol dans une immense flaque de sang, des douilles au sol, des impacts de balles sur les murs. C'est la vision d'horreur que découvre Anastasia, une journaliste des quotidiens, lorsqu'elle arrive. Alors, la panique, les questions, le tireur est-il monté dans les étages? Ses collègues sont-ils en train d'être attaqués? Par qui? Pourquoi? Et puis il y a ce jeune photographe à qui il faut prodiguer des premiers soins. Alors, tout s'enchaîne. On appelle les secours. César a été touché par balle à bout portant, près du cœur. Il a perdu énormément de sang. Il est emmené aux urgences de la Pitié-Salpêtrière. Pendant ce temps, la nouvelle se répand. À 10h27, un salarié tweete lapidairement « coup de feu à Libération ». L'impact du réseau social fait le reste, à une vitesse folle. Dans les salles de rédaction, on s'active, on appelle ses contacts pour recouper l'information. L'agence France Presse l'officialise par une dépêche à 11h-10. Dans l'intervalle, les premiers reporters des chaînes d'information en continu sont arrivés sur place. Alors, on passe en édition spéciale et l'attaque de Libération s'invite en tête des journaux télévisés. Mais on commence par cet événement dramatique qui s'est produit ce matin au journal Libération. Un homme armé est entré dans le hall du quotidien et a tiré sur un assistant photographe. Il était un peu plus de 10 heures quand cet homme est entré dans l'immeuble de Libération. Le tireur a fait feu à deux reprises avec son fusil à pompe. Il a touché le photographe de 33 ans près du cœur. La police traque un homme suspecté d'avoir ouvert le feu au journal Libération et au pied des tours de la Défense. Un homme a ouvert le feu, blessant grièvement dans le hall, je vous le disais, du journal Libération, un assistant photographe. Du côté du journal, en quelques minutes, le quartier est bouclé. Les policiers quadrillent le secteur, bloquent les accès aux rues. Un hélicoptère survole la capitale. François Molins, le procureur de la République de Paris, arrive sur les lieux. Il est suivi, quelques instants plus tard, de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. L'événement impose d'emblée son caractère exceptionnel. Il s'agit d'une attaque au fusil en plein jour dans les rues de la capitale. Le tireur s'est enfui, on ne connaît ni ses intentions, ni son identité, et il est armé. Et puis tout de même, c'est une attaque contre un journal. Mais ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Libé est ciblé. En 1991, déjà en pleine guerre du Golfe, une bombe avait explosé dans le quotidien. Un tract laissé sur place dénonçait le traitement de cette guerre par les journalistes. La charge symbolique est conséquente. Nicolas Demorand, le directeur de Libération, le visage grave, prend la parole devant le siège du journal. Libération n'est pas et n'a jamais été un bunker. Libération est un endroit libre. Nous ne voulons pas travailler derrière des vitres par balles. Nous ne voulons pas travailler avec des rideaux de fer baissés. Nous voyons aujourd'hui qu'une liberté fondamentale a été grièvement blessée. Puis c'est au tour du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Oui, c'est une scène de crime. À partir du moment où un homme rentre, tire avec un fusil, c'est une scène d'une très grande violence. Et les journalistes des Libérations qui ont vu cette scène, qui ont connu les faits, il ne faut jamais minimiser la réalité d'un acte odieux de ce type qui avait pour but incontestablement de blesser, sans doute de tuer et de frapper les esprits. Il faut quelques heures à peine pour que surgisse une nouvelle information concomitante de la première. Elle n'avait jusque-là pratiquement pas été reprise par les médias, si ce n'est par le premier concerné, la chaîne de télévision BFM. En effet, trois jours plus tôt, le vendredi 15 novembre, un homme portant une casquette, une doudoune sans manches par-dessus un pull vert, s'est introduit dans les locaux de la chaîne aux alentours de 7h du matin. Il a sorti un fusil à pompe, mis en joue l'homme qui s'occupe de l'accueil et l'un des rédacteurs en chef de la chaîne, Philippe Antoine. Puis, il a éjecté deux cartouches de son fusil, sans tirer, et lancé au journaliste qui reculait pour se protéger « La prochaine fois, je ne vous raterai pas ». Puis, il a pris la fuite. Immédiatement, on fait le lien entre l'homme de BFM et le tireur de Libé. S'agit-il de la même personne ? Les habits diffèrent, certes, mais le mode opératoire est le même. Un individu armé qui prendrait pour cible les médias. Pourquoi n'a-t-il pas tiré la première fois et pourquoi est-il passé à l'acte la seconde fois ? Son retrait pendant le week-end montre bien qu'il veut qu'on le voie, qu'on le remarque. Ses coups se veulent d'éclat. Alors, prévoit-il d'autres actions contre d'autres médias de plus en plus violentes ? L'inquiétude commence à courir dans la capitale. Tous les organes de presse renforcent leur sécurité. On envoie des policiers devant la plupart des sièges de journaux, de radio ou de télé. Mais un peu avant midi, ce lundi 18 novembre, soit 2 heures après Libé, une nouvelle information arrive. un nouvel élément. Est-il en rapport avec ce qui s'est passé ce matin à Libération? On a appris il y a quelques minutes que 3 coups de feu avaient été tirés par un homme devant la Société Générale à la Défense, près de Paris. Il n'y a pas de blessés, l'information est confirmée de sources policières. À l'instant, un homme affirme avoir été pris en otage en voiture à la Défense. Il aurait déposé son preneur d'otage sur les Champs-Élysées. On n'en sait pas plus pour l'instant. Là encore, c'est par le réseau social Twitter que l'information se répand quasi instantanément. Un homme qui prenait sa pause en bas des tours du quartier d'affaires de la Défense écrit à 11h56 « Nous venons de vivre 2 coups de feu à la Société Générale à la Défense, un homme seul, avec un fusil. Que s'est-il passé réellement ? Un témoin raconte. Je me suis retourné immédiatement et j'ai vu l'homme en face de moi, à 10 mètres, en train de recharger son fusil. Voilà, donc on s'est tout de suite abrité derrière un mur pour se protéger. Moi, c'est ce qui m'a surpris et qui m'a marqué, qui avait l'air déterminé, calme. Voilà, il n'a rien dit de particulier. De toute façon, ça s'est passé très très vite. Hein. En une minute, c'était fini. Une fois encore, juste après les tirs, l'homme prend la fuite. Il parcourt environ 1 km à pied en direction de Paris. Arrivé au rond-point des Bergères, à Puteaux, il braque un automobiliste, le prend en otage et lui ordonne de le déposer rue Ponthieu, juste à côté des Champs-Élysées, où l'homme s'engouffre dans le métro. Tout s'est passé en quelques minutes et les forces de l'ordre ont un temps de retard. Il est 12h25, la rumeur d'une prise d'otage près des Champs-Élysées se répand. Cette fois, les policiers en sont quasiment certains. Libération et la Société Générale, c'est le même homme. Les habits, l'arme, le mode opératoire. Il y a bien un tireur dans la capitale. Alors, la peur s'accentue. Et elle augmente encore avec la diffusion des images de surveillance de BFM où l'on voit l'homme, arme à la main, braquer le journaliste. On y voit aussi son sang-froid, sa détermination. Ces images impressionnent, ajoutent à l'angoisse. Les témoignages, les appels à la police affluent. Un suspect est signalé à la maison de la radio dans le 16e arrondissement, alors on évacue l'établissement. Il s'agissait en réalité d'un musicien qui transportait son instrument, oui, son sac allongé pouvant faire penser à une arme. Alors, du côté des autorités, on communique autant pour faire le point sur la situation que pour rassurer les citoyens. En fin de journée, François Molins, le procureur de la République, tient une conférence de presse au cours de laquelle il établit un signalement du suspect et lance un appel à témoins. Nous avons décidé de diffuser et de rendre publiques les photos qui sont en notre possession grâce à l'exploitation de la vidéosurveillance de BFM TV et grâce à l'exploitation du PVPP, donc le plan de vidéoprotection de la ville de Paris. Il s'agirait d'un homme de type européen, âgé de 35 à 45 ans, d'une taille de 1m70 à 1m80, aux cheveux poivre et sel, avec, s'il en est toujours porteur, d'une barbe de 2 ou 3 jours. Pour la tenue vestimentaire, il s'agit d'une veste 3/4, kaki pour l'effet de libération, d'un pull vert et d'une doudoune foncée sans manches pour l'effet précédent, et de baskets vert et blanc, je l'ai indiqué. Enfin, cet individu, sur les images dans notre possession, est porteur de casquettes, lunettes et d'un ou deux sacs qu'il porte en bandoulière. Le lendemain, mardi 19 novembre 2013, la une de Libération choisit la sobriété face à l'émoi suscité la veille. Ouvrez les guillemets, encre noire sur fond blanc. Il a sorti son fusil et a tiré 2 fois. Tel est le titre. L'article, lui, parle de César, le jeune assistant photographe touché par le tireur. Entre la vie et la mort, toute la journée d'hier, son état est ce matin toujours fragile, mais stabilisé. Dans cette matinée du 19 novembre, au 36 quai des Orfèvres, à Paris, c'est le branle-bas de combat. Dans les célèbres bureaux de la police judiciaire parisienne, s'organise ce que tous les médias appellent désormais la traque au tireur fou. Une course contre la montre commence. Mais qui est-il, ce suspect ? Recoupez les témoignages d'abord, ceux qui l'ont vu à Libération et à la Défense, celui de l'automobiliste pris en otage ensuite qui tarde à se rendre à la police. Sous le choc, l'homme est rentré chez lui, tout simplement. Ce n'est qu'après avoir rappelé un proche et vu les images à la télé qu'il se décide à raconter ce qu'il a vécu. Tout s'est passé très vite. Le suspect l'a menacé, lui a dit qu'il avait fait un séjour en prison. Un élément important pour les enquêteurs, qui liste toutes les personnes sorties récemment d'un établissement pénitentiaire. Il faut ensuite recouper tous les appels reçus sur le numéro spécial mis en place. Et on compte déjà plus de 1000 coups de téléphone en quelques heures. Alors, organiser, trier entre les canulars, les approximations, les certitudes. Se dégage rapidement plus de 400 pistes à suivre, un peu partout en région parisienne et dans toute l'Île-de-France. Les éléments matériels ensuite. On a retrouvé des douilles du même type sur les trois lieux. Des empreintes sont aussi prélevées sur le véhicule de l'otage. Envoyé au laboratoire, les résultats, se disent les enquêteurs, devraient rapidement confirmer ce que tous soupçonnent. Il doit s'agir du même homme pour les trois attaques. Sur les images, on a pu observer qu'il portait les mêmes chaussures, et à BFM, et à Libé. Un homme dont l'attitude laisse perplexe les policiers, car il donne à la fois l'impression d'être très organisé, change de vêtements à plusieurs reprises, fait preuve de sang-froid, et en même temps, il se montre à visage découvert, s'en prend parfois à une personne, mais reste au stade de la menace, comme à BFM, ou à La Défense. Donc, quel est son mobile? Quelles sont ses revendications, son profil? A-t-il des complices qui le cachent? À la fois cible et acteur de cette chasse à l'homme, les médias s'en vont interroger les spécialistes en criminologie. Et puis, il faut bien occuper l'antenne. C'est quelqu'un qui est très déterminé, très motivé, et dont la motivation criminelle, finalement, tient dans le temps. Et il est imprévisible. Et ce côté imprévisible, à mon avis, est son côté extrêmement dangereux. Au moment, les enquêteurs se focalisent sur des indices, sur des traces qui pourraient identifier, le localiser et bien sûr l'interpeller. Soit je vais vous dire, c'est un déséquilibré, soit il est totalement machiavélique. C'est donc un homme qui est extrêmement dangereux. C'est ainsi que s'écoulent les longues heures de ce mardi 19 novembre 2013, entre l'angoisse de la récidive et l'avancée de l'enquête. L'enquête, justement, eh bien, elle avance comme elle peut. Les policiers s'appuient notamment et surtout sur les images des caméras de vidéosurveillance de BFM, de la ville de Paris et des transports en commun. Ils l'élargissent rapidement aux différents commerces des secteurs concernés. À travers le visionnage de ces centaines d'images, ils peuvent alors retracer le parcours de l'homme. Ce mardi 19 novembre 2013, le soleil se couche et le tireur parisien, responsable de trois fusillades, d'un blessé grave et d'une prise d'otage, court toujours. La peur, une fois encore, accompagne les Parisiens dans la nuit. À 16 ans j'ai dû voir un psy, mauvaise graine. À 6 ans j'ai dû voir un psy, j'ai dû voir un psy. À 16 ans j'ai dû voir un psy, mauvaise graine. Alors je mords le métal, j'ai pas besoin de leur merde dans le mental. J'ai connu la galère et je n'en redemande pas. Je sais que devenir quelqu'un demande énormément de taf. Mauvaise graine, j'ai pas la tête de l'emploi. La mort vient scred, mais la mort ne ment pas. Les mots m'espèrent, la monnaie monumentale. Avant d'avoir le respect, c'est d'avoir le mental. Mais mauvaise graine, sous les bras des montagnes. Je veux voir le mauvais chemin déçu par nos voix. On ne confond pas l'honneur et l'orgueil. On a tous dans le cœur le rayonnement des supernovas. J'ai côtoyé des gens qui parlaient d'amitié mais qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi. Ceux qui te font rigoler quand tout va bien mais qui ne seront jamais là quand le malheur te noie. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur. Y'avait des mecs dangereux chez mes ennemis. Un jour ils ont commencé à menacer ma mif. Alors je me suis armé par le biais d'un ami. Mais Dieu merci, je m'en suis jamais servi. Faut pas se prendre pour ce qu'on est pas, nous-mêmes on se connaît pas. J'ai fumé trop de shit noir mais je suis népal. Quand la galère te transforme en épave. On aime pas quand la coke passe dans le népaf. La monnaie part comme on épargne, ce monde débarche. On mérite seulement des baffes. Mauvaise graine, pas de trêve. Mauvaise graine, ne veut pas de trêve. Ce soir dans ton tiroir tu foudras ta flasque. Avant de t'endormir elle t'en foudra ta femme. L'équipe était prête à prendre la foudre à ta place. Mais t'as fait le traître alors on floutera ta face. J'ai côtoyé des gens qui parlaient d'amitié mais qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi. Ceux qui te font rigoler quand tout va bien mais qui ne seront jamais là quand le malheur te noie. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur. Là, ici, place 60. Donc, Clio grise, et ils ont sorti le blessé. Et puis, très vite, les pompiers sont arrivés, au bout de 10 minutes après. Ensuite, ils ont regardé de près la voiture, ce qu'il y avait dedans, tout ça. Vous savez depuis combien de temps elle était là? Vous avez remarqué? Non, non. En plus, une voiture comme ça, on la remarque pas, quoi. C'est la voiture monsieur tout le monde. Mercredi 20 novembre 2013. Après 2 jours de traque, il semblerait que les enquêteurs aient retrouvé la trace du tireur que tous recherchent. D'abord, les résultats ADN tombent. Il s'agit bien du même homme pour les 3 lieux d'attaque, mais il n'est pas recensé dans le fichier central. Ensuite, ce même mercredi 20 novembre, aux alentours de 19h, un homme se rend de lui-même au policier. Cet homme-là, il a une 30aine d'années. Il est cadre dans la finance et il vit à Courbevoie, une ville située à quelques minutes à pied de la Défense. Et il raconte aux enquêteurs qu'il a reconnu l'homme sur les images diffusées à la télé et pour cause, il l'héberge depuis plusieurs semaines. Et il raconte que ce dernier est revenu la veille en lui disant « J'ai fait une connerie ». Enfin, à aucun moment, il n'aurait pu imaginer que cet individu qu'il a rencontré à Londres quelques années auparavant serait capable de faire ça. Il sait en tout cas où les enquêteurs peuvent le trouver. Il s'est réfugié dans un parking à Bois-Colombes. Dans la foulée, les forces de l'ordre arrivent à l'adresse indiquée, interrogent les témoins, sécurisent la zone, descendent lentement dans le parking et s'arrêtent à bonne distance de la voiture indiquée. Ils notent la présence d'un homme, en effet, à l'intérieur du véhicule. Ils font appel aux démineurs, car ils craignent que la voiture soit piégée. Une fois la situation sécurisée, ils interviennent. Dans l'habitacle, ils découvrent que l'homme est à moitié conscient, comme groggy. Il semblerait qu'il ait avalé des médicaments. Il a tenté de se suicider. À ses côtés, il a laissé une lettre. Le suspect, qui présente effectivement une forte ressemblance avec l'individu sur les images, est interpellé, amené aux urgences et on lui prélève son ADN. Et il faut peu de temps pour que l'information soit diffusée et l'identité du suspect révélée. France Inter. Il était recherché par toutes les polices de la région parisienne. Il a été arrêté hier soir à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Le tireur de la Défense et du journal Libération a été retrouvé dans une voiture garée dans un parking. Il était en fait dans un état second. Cet homme n'est pas un inconnu pour la police et la justice. Il s'agit d'Abdelhakim Dekar, condamné à l'époque dans l'affaire de la fusillade de la Nation. C'était en 94, la fameuse affaire Ray Maupin, qui avait coûté la vie à 3 policiers et à un chauffeur de taxi. Les analyses ADN effectuées dans la nuit ont permis de l'identifier avec certitude. Pour toute personne en âge de se souvenir, l'annonce de l'identité du suspect a l'effet immédiat d'un flashback, renforcé par la diffusion des archives à la télé. C'est comme si un fantôme ressurgissait d'un passé qu'on aurait voulu oublier. En effet, son logeur, puis l'ADN, confondu avec celle retrouvée sur les différents lieux des événements, mettent enfin un nom sur le tireur, Abdelhakim Dekar. Or, ce nom résonne, claque, pour toutes les personnes qui ont suivi de près ce terrible fait divers qui a eu lieu 20 ans plus tôt, en 1994. Le 4 octobre de cette année-là, un jeune couple, Audrey Maupin, 22 ans, et Florence Ray, 19 ans, braque une fourrière à Pantin et s'engage dans une terrible virée meurtrière, au cours de laquelle 5 personnes sont tuées, dont Audrey Maupin. 4 ans plus tard, lorsque s'ouvre le procès, Florence Ray n'est pas seule sur le banc des accusés. Tous ont retenu, bien sûr, le visage angélique de cette jeune femme, mais ils ont oublié le discret jeune homme qui était assis là, à quelques mètres d'elle, Abdelhakim Dekar. Que fait-il là? Au cours de leur enquête, les policiers découvrent que le couple aurait eu un complice, un troisième homme qui leur aurait notamment procuré les armes. Ils remontent une piste qui les mène, justement, à Abdelhakim Dekar. Ce dernier a acheté l'un des fusils utilisés par Maupin et Ray dans un magasin avec sa carte d'identité. Il est arrêté 2 semaines après cette terrible nuit. Dans le milieu des squats et des groupuscules d'extrême-gauche où traîne le couple Ray-Maupin, Dekar est connu sous le surnom de Toumi. Ce franco-algérien a la réputation d'être un beau parleur, au petit courage. Le premier à appeler à l'action, souvent le dernier à passer à l'acte. De son côté, Abdelhakim Dekar a toujours nié toute participation à la tuerie de 1994. Il n'est pas le troisième homme, il n'a jamais été présent sur les lieux comme ne laissent penser certains témoins qui assurent avoir vu un individu s'enfuir et dont la description correspond à celle de Dekar. Finalement, Florence Ray sera condamnée à 20 ans de prison et Abdelhakim Dekar à 4 ans pour association de malfaiteurs. Et s'il y avait une personne à qui ce surgissement d'un passé enfoui ne plaît pas, c'est Florence Ray, justement. Son avocat prend la parole. elles les regrettent en raison de leur horreur, de préjudice et de la souffrance qu'elle a imposée à un certain nombre de familles et de victimes. Elles les regrettent profondément. Et elles condamnent les actes de... Et elles condamnent... Et bien entendu, elles condamnent totalement les actes qui sont les actes qui ont été commis récemment. Que s'est-il passé entre 1994 et 2013 ? Comment le jeune squatteur militant d'extrême gauche est-il mué en tireur fou et solitaire ? Pourquoi revenir maintenant, agir ainsi après toutes ces années ? Face à cet incroyable scénario, on se replonge dans le parcours de cet homme insaisissable. Né en septembre 1965 à Algrange, en Moselle, Abdelhakim Dekar est le troisième d'une lignée de 11 enfants. Le père, ouvrier dans la sidérurgie, a un temps joué un rôle dans la guerre d'Algérie où il a combattu dans les rangs du FLN. Un mythe fondateur pour la famille Dekar qui, au cours de cette guerre, perd plusieurs proches. Si la plupart des enfants réussissent, le jeune Abdelhakim lui rencontre de nombreuses difficultés à l'école. Il décroche en cinquième, il est un temps placé dans un foyer, puis il s'oriente vers une filière professionnelle avant d'intégrer son nouveau champ de bataille, celui de la rue et les squats, dans les rangs de l'ultra-gauche et du militantisme. Jusqu'à l'affaire Rémopin, donc, pour laquelle il a sa version des faits. S'il a acheté une arme, et avec sa propre carte d'identité, c'est qu'il savait qu'il ne risquait rien, car il affirme être un agent des services secrets français. Oui, infiltré dans le milieu autonome gauchiste. D'ailleurs, au cours d'une convocation chez le juge d'instruction, Descartes se retrouve confronté à des gendarmes en civil. Et là, il reconnaît immédiatement l'un d'entre eux, un certain Gérard Manzanal. Et il affirme que cet officier l'a dirigé à Beyrouth. L'intéressé affirme n'avoir jamais rencontré Descartes et n'explique pas qu'il puisse connaître son nom. Pour leur part, les experts psychiatres notent dans leur rapport que Descartes présente des tendances affabulatoires, voire mythomaniaques. L'avocate générale de l'affaire Maupin raconte d'ailleurs en 2013 son souvenir de Descartes. Au procès, il nie toute participation à tout. Il va jusqu'à dire qu'il ne connaît pas le couple Maupin, qu'il ne les a jamais vus, qu'il est un homme de l'ombre, qu'il travaille pour les services secrets algériens. Il raconte des histoires. Et même, je vous dirais, son propre père. Il disait il n'est pas méchant, mais il raconte des histoires. Il ne faut pas l'écouter. C'est une sorte de beau parleur parce qu'il parle beaucoup. Il peut tenir tête à un régiment. Bon, les experts qui l'ont examiné n'ont pas du tout retenu de dangerosité. Hein. Mais vous savez, c'est quelqu'un d'inquiétant. C'est marrant, il fait peur. Je ne devrais pas le dire, mais c'est pas quelqu'un de clair. Il ne vous regarde pas dans les yeux. Lui, il est fuyant. En cette fin de mois de novembre 2013, après avoir été hospitalisé, Descartes est entendu par les enquêteurs. Il se retranche derrière son droit au silence. Alors, les policiers essaient de comprendre ce qu'il a fait depuis tout ce temps. Après sa sortie de prison, il est parti pour l'Angleterre. Coupé de sa famille, il s'y est marié deux fois, a eu deux enfants avec sa deuxième épouse et n'a aucun problème avec la justice. Bon, si ce n'est dernièrement, condamné pour violence conjugale tout de même. Est-ce d'ailleurs cette rupture qui l'aurait poussé à l'acte ? Quoi qu'il en soit, il est revenu en France depuis quelques mois et il a bien organisé sa folle série du 18 novembre. Depuis quelques années déjà, ces vieux démons activistes l'ont repris. Il tente un temps de reprendre contact avec la mouvance gauchiste. On retrouve notamment des lettres qu'il a adressées à des radios alternatives. Il y écrit qu'après le soulèvement populaire du printemps arabe, c'est en France, désormais, que le capitalisme doit être renversé. C'est finalement dans les différentes lettres trouvées dans la voiture et chez son logeur qu'on en apprend plus sur les motivations d'Abdelhakim Dekar, comme le révèle François Molins, le procureur de la République. Il accuse, je cite, « les médias de participer à la manipulation des masses, les journalistes étant payés, je cite toujours, pour faire avaler aux citoyens le mensonge à la petite cuillère ». Il stigmatise ensuite tour à tour le capitalisme, la gestion des banlieues, qui s'apparente pour lui, je cite, à une entreprise de déshumanisation portant sur des populations dont le grand capital ne veut pas. Ça mériterait sûrement aussi d'être montré à un psychiatre. On pourrait parler de complot, voire de parano, effectivement, autour d'un complot qui viserait à faire revenir le fascisme à travers, effectivement, l'action des médias, l'action des banques, la politique dans les banlieues, et qui finit, j'allais dire, dans un contexte un peu de guerre, puisque la lettre se finit par l'évocation d'un morceau choisi du chant des partisans, sur, vous savez, le passage sur les corbeaux noirs dans la plaine. antisocial perdu dans un siècle passé à autre chose, révolutionnaire manqué, Abdelhakim Dekar s'est perdu dans les incohérences d'un parcours à la dérive. De nouveaux rapports d'experts psychiatriques confirmeront qu'il ne souffre d'aucune pathologie mentale ou psychique, mais rediront les tendances affabulatoires, sa personnalité trouble. Il entamera une grève de la faim et finira par parler au juge, se montrant plutôt volubile sur son parcours et les raisons politiques qui l'ont poussé à commettre cette série d'actions violentes, sans toutefois reconnaître sa culpabilité dans cette affaire comme 20 ans auparavant. Aujourd'hui, Abdelhakim Dekar, toujours présumé innocent et principal suspect, est renvoyé devant les assises. Il est toujours dans l'attente de son procès. Pendant et après cet incroyable trac qui a tenu en haleine les Français pendant 3 jours, quelques polémiques sont nées, l'extrême droite notamment a dénoncé une sorte de clémence supposée des commentateurs suite aux revendications gauchistes du suspect. D'autres ont mis en cause les médias, à la fois cibles et acteurs, qui auraient fait preuve d'autocentrisme en parlant autant de cette histoire. Reste qu'un jeune journaliste est passé près de la mort et garde aujourd'hui encore les stigmates de sa blessure. Reste qu'il n'est jamais anodin dans une démocratie de s'attaquer à la presse. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Abdelhakim Dekar, le tireur du journal Libération, entre autres, notre invité Patricia Tourancheau, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste aujourd'hui pour le site lesjours.fr et à l'époque, vous travaillez au journal Libération. C'est pourtant à quelqu'un d'autre, on va donner la parole pour l'instant, en tout cas au début. C'est à Nicolas Demorand, bonjour Nicolas. Bonjour Fabrice. Il se trouve que vous étiez le directeur du journal Libération au moment des faits, donc vous étiez au plus près de cet événement, avec Patricia Tourancheau également. Ma question est simple, quel souvenir déjà vous vous en gardez et comment vous avez réagi? Parce que quand on est le directeur d'un journal dont les locaux sont investis, envahis par un tireur, c'est quand même une lourde responsabilité. Alors je me souviens de cette matinée, je partais à Lyon pour une série de colloques ou de conférences, je me souviens plus, dont Libération était partenaire, et j'étais à la gare de Lyon quand j'ai reçu un appel me disant qu'un tireur était entré dans Libération et dans les locaux de Libé et qu'il y avait un blessé sérieux. Donc j'ai tout de suite quitté la gare, je suis arrivé au au journal où il y avait énormément de policiers et où le hall d'entrée était complètement fermé puisqu'il y avait des relevés qui étaient en train d'être faits sur les plafonds parce qu'il avait tiré à plusieurs reprises et il y avait encore une mare de sang gigantesque dans le hall. Dans le courant de la matinée, Manuel Valls, dans mon souvenir, est venu. Je pense qu'il y avait le procureur Molins aussi. Oui. Il y avait le préfet de police de Paris. Oui, le maire de Paris. Et le maire de Paris. Oui, il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui sont venus immédiatement au journal nous donner les premières informations, recueillir évidemment les témoignages. Il y avait des gens de l'accueil à Libé qui s'étaient planqués sous le grand bureau qu'il y a dans le hall de Libération. C'était Rue Béranger à l'époque. Voilà, c'est ça. Juste à côté de la République. Et on a fait, je me souviens, une conférence de presse dans la rue avec Manuel Valls. Il y avait énormément de caméras dans la rue. On a fait une conférence de presse et pour moi, c'était un moment assez étrange. J'avais vu qu'il y avait un niveau de violence verbale qui montait à l'égard des médias et j'avais l'impression, puisqu'il y avait eu BFM avant Libé, j'avais l'impression que c'était la première attaque en tant que telle contre des médias. C'était assez nébuleux, mais ça marquait en tout cas un tournant dans mon souvenir. Et alors, ce qui était assez troublant, c'est que Libé était un journal ouvert. On rentrait à Libé comme on rentre n'importe où. C'était un journal qui n'était pas barricadé, qui n'était pas vidéosurveillé. Il y avait un élément de confiance très fort. Un journal, ça doit être ouvert. Ça n'est pas un bunker, un journal. Donc, il y a ça qui a souffert aussi avec cette attaque. C'est que le journal s'est refermé de fait, quoi. Moi, j'avais eu le sentiment très tôt qu'une page se tournait, qu'une part d'euphorie, d'optimisme, d'altruisme, d'ouverture était malheureusement en train de se tourner. Et puis on a dû s'occuper de César, du jeune photographe qui était quand même entre la vie et la mort. À la Salpêtrière, il a été opéré pendant des heures et des heures et des heures. C'est un miraculé, hein. Ouais. Et très vite, sans caméra, ça je dois le noter, c'est important. François Hollande, président de la République, est venu le voir un soir à la Salpêtrière pour savoir comment il allait. Manuel Valls est venu également pour voir comment ce jeune homme allait. Il était très fort, très musclé, très jeune et avec une capacité à se régénérer et à reprendre pied extraordinairement rapide. Patricia Touranchot, votre souvenir rejoint celui de Nicolas, j'imagine. Alors moi j'étais dans la rue Béranger et avec mon petit calepin et je prenais des notes de tout ce qui se passait. J'interviewais le préfet de police, le numéro 2 de la PJ de Paris qui était là. J'ai entendu Nicolas Demorand faire la conférence de presse et d'ailleurs tu dénonçais à ce moment-là justement les attaques contre la presse, c'était très très clair. Ouais. Et effectivement, quand on apprendra plus tard que c'est Abdelhakim Dekar, il avait l'intention d'aller au Figaro, il avait fait des repérages au Figaro mais il s'est aperçu qu'il y avait des nanas à l'accueil et va savoir pourquoi, il avait renoncé, enfin il y avait trop de gens à l'accueil alors qu'à Libération ça lui a paru facile quoi. Et comment en tant que directeur on gère, alors pour le coup j'emploie le mot de gestion qui est très froid, mais après l'émotion, il faut bien organiser. Quand on est directeur d'un journal, qu'est-ce qu'on fait ? On commence déjà à partager le maximum d'informations possibles, c'est-à-dire que tout le journal, toute la rédaction a été totalement traumatisée par ce qui est arrivé à ce jeune photographe. Donc on avait je faisais par mail des bulletins de santé très réguliers. En gardant à l'intérieur de l'équipe les informations que n'avait pas la presse pour juste qu'on sache exactement d'un point de vue médical comment il allait. Ensuite, j'ai fait en sorte que les avocats de Libération prennent en charge tous les frais de défense dans la perspective du procès. Et puis ensuite, c'est des choses bêtes, c'est-à-dire remettre des badges, fermer les portes. Des caméras. Et des caméras, parce qu'effectivement, la brigade criminelle se plaignait que... Enfin, c'est plein que nous n'ayons pas de caméra dans le hall, en fait. Libé était dans les locaux d'un garage, et ce sont les caméras de vidéosurveillance du garage qui ont pu donner quelques images. Mais nous, nos caméras ne fonctionnaient pas. Ouais. Vous vous souvenez tous les deux de la une que vous avez faite le lendemain, ou pas ? Oui. Ouais. Il est Nicolas. Arrivé, il a tiré deux coups, non ? C'est il pas a ça tiré deux fois. Deux fois, voilà. Oui. C'était une noire. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, oui, allez-y, Patricia, autre chose. Et ensuite, il y a la... Il y a la traque de ce type, quoi. Et moi, ce qui me fait bizarre, bon, moi, je suis pas trop dans l'émotion ce jour-là parce qu'il faut bosser, quoi. En fait, il faut faire l'enquête comme d'habitude. C'est presque une mise en abyme professionnelle, hein. Vous bah oui, sauf que c'est à la maison, quoi. Bah c'est dans l'IB. Et assez rapidement, on s'aperçoit que ce type, donc, est une espèce de caméléon. Avant d'aller porter les coups de feu, par exemple, à Puteaux, là, il se met en tenue militaire quand il va tirer. Et ensuite, il s'habille avec un anorak rouge, un bonnet rouge, enfin des tenues très voyantes. Donc ce type est un caméléon. Et quand on apprend son nom, quand moi j'apprends son nom, Abdelhakim Dekar, je fais des bonds comme ça. Parce que Abdelhakim Dekar, c'est l'affaire de la fusillade de la Nation avec Audrey Maupin, Florence Ray, en 94. Et ce type, moi je l'avais vu, je l'avais suivi, j'avais vu son avocate à l'époque. Et c'était un type qui apparaissait très falot. C'était un type qui jouait double ou triple jeu, qui se faisait appeler Toumi, qui traînait dans les squats, qui traînait dans les concerts, qui traînait dans les manifs anti-CIP, dans les réunions d'autonomes, etc. Mais qui était un peu pousse au crime et qui faisait pas grand-chose. Et ce type paraissait bizarre à tout le monde, parce qu'à la fois, il se prenait pour un agent secret, il donnait des rendez-vous clandestins, etc. Bon, une fois qu'il a été arrêté comme complice, en fait, de la fusillade, enfin... pas la fusillade à la Nation, mais du braquage de la préfourrière de Pantin qui avait précédé cette fusillade. Il avait acheté une arme à la Samaritaine, 2000 francs, avec ses propres papiers d'identité, et en fait qu'il avait donné au couple Ray et Maupin. Et là, c'est bizarre, parce que ce type, après, quand il est arrêté, il dit « Mais moi, je travaillais pour le consulat algérien, pour quelqu'un de la sécurité militaire algérien. Il s'appelle le colonel Manzanal. » Enfin, il était, voilà, le type se prenait fasciné par la chose militaire et pour les trucs d'espion, quoi. On a parlé du profilage dans une émission précédente avec vous, c'était pour l'affaire du Grêlet, il y a quelques jours. Et là, pour le coup, pour le profiler, c'est compliqué parce qu'il a à la fois tous les profils et pas de profil. Oui, alors, les profilers, les psychologues, les experts psy, en tout cas, qui avaient expertisé Descartes en 94, ont trouvé chez lui, enfin, qu'il était des tendances affabulatoires, et qu'en fait, il s'imaginait une espèce de il se sentait investi d'une mission politique déterminante au service de la cause démocratique algérienne, et il se faisait une construction mythomaniaque, quoi, toujours autour du thème de l'agent secret. Alors, il y avait une double dimension. Il y avait la dimension un tireur dans Paris, parce que ça faisait peur aux gens. Et puis, il y avait la dimension que vous avez soulevée tout à l'heure, Nicolas Demorand, celle du fait qu'on s'attaque à un média. On va écouter une archive et je vous ferai réagir à cette archive. Il s'agit d'un extrait de l'émission Secret d'Info sur France Inter. Le journaliste Franck Cognard a suivi les événements et plus précisément, il s'est intéressé à cette question des médias. On sait, pour ceux qui suivent les affaires de police ou de justice, que c'est toujours un peu plus compliqué de retrouver un gars tout seul qui se planque. Mais pour moi, s'il y a eu dérive ou s'il y a eu surréaction de la profession, moi je la vois pas trop dans les médias dits traditionnels. Je la vois franchement sur Twitter notamment. Il s'est passé quelque chose dans la journée de lundi qui, moi, m'a assis. J'étais dehors sur la moto, on faisait la course un petit peu comme tout le monde. Ça m'a frappé de voir le nombre de tweets écrit par des journalistes professionnels qui se sont permis d'écrire sur Twitter ce qu'ils ne se permettraient pas d'écrire dans une rédaction. Quand Le Parisien, mardi... annonce une arrestation. Annonce l'arrestation. L'arrestation du tireur. C'est-à-dire l'arrestation a dû tomber, dans mon souvenir, à 2h05. À 2h02, moi et d'autres collègues, on avait pu joindre des gens qui nous ont démenti la chose. Mais je me mets à la place du journaliste du Parisien. Sur quelle... On les a sollicités au Parisien, je précise. Hein, mais sur quelle base, je suis pas sûr qu'ils l'auraient écrit de la même façon dans le journal. Mais le fait de passer sur Twitter, finalement, bah c'est pas grave. Ou de lancer une alerte comme ça très rapide, c'est pas grave. J'ai l'impression que certains, pas tous, mais que dans les médias, on peut abdiquer une part de ce qui fait le cœur de notre métier, qui est de vérifier. Alors, on s'éloigne un peu du sujet sans s'éloigner du sujet. Nicolas Demorand, qu'est-ce que vous en pensez des médias dits traditionnels confrontés à la vitesse des réseaux sociaux pour le meilleur, parfois pour le pire souvent? Moi, j'ai des souvenirs très mitigés, en fait, de l'onde de choc. J'ai fait beaucoup d'interviews, je suis venu à France Inter, je suis allé à RTL. Beaucoup de gens étaient quand même extrêmement sensibles et traumatisés par ce qui s'était passé. passé à Libération parce que c'est Libération. Mais très vite, on a vu aussi des gens dire vu ce que vous écrivez, bah c'est normal que ça vous tombe dessus. Est-ce que vous voyez une relation entre ce qui vous est arrivé et votre traitement de l'info, ce qui était déjà un truc beaucoup plus tordu. Puis il y a eu des gens, je me souviens aussi sur cette fameuse une, il est entré, il a tiré deux fois, qui avait fait des blagues du genre des blagues de cul quoi. Il est entré, il a tiré deux fois. Il y a des gens qui ont voulu faire des t-shirts avec cette une pour s'en moquer. Donc il y avait un rire carnassier qui existe toujours et qui n'a fait que prendre de l'ampleur, mais qu'on a pu mesurer pour la première fois. Mais ce qui était en fait étonnant, c'est qu'on n'avait pas le concept. Aujourd'hui, un journal serait attaqué, on penserait terrorisme instantanément. Oui. À l'époque, on ne sait pas. On peut dire violence à l'égard des médias. On peut dire tiens, il a tiré dans une télé, puis dans un journal avant de rater un deuxième journal. Mais on ne sait pas. Alors lui, Descartes va nous donner la clé par la suite. Lui dit j'ai commis un acte politique. Ce que j'appelle dans un jargon philosophique un suicide altruiste. Et en fait, pour comprendre Descartes, quand il avait été libéré en 98, en fait, après pour l'histoire de la fusillade de la Nation, Descartes part en Angleterre, il change de vie, il devient plus ou moins, enfin, il s'occupe d'un resto collectif, une cantine, il bosse comme ingénieur, il passe un diplôme là-bas, il bosse comme ingénieur. Il a une femme, Véronica, Letton, je crois, et il a deux enfants, dont son aîné, d'ailleurs, il va l'appeler Manoukian, comme le groupe Manoukian pendant la guerre, avec ça. Et l'autre, Ilia. Et ensuite, ça se passe mal avec ça, la mère de ses enfants, et il est condamné, donc en août 2013, donc six mois avant de... Non. En août, quelques mois avant de passer à l'acte à Libération, il est condamné pour violence conjugale, interdit de rencontrer ses enfants, et c'est là où il se réfugie en fait chez un copain à Courbevoie à côté de Paris. Et donc là, ce qu'il veut Descartes, c'est faire un gros coup, créer un électrochoc, dit-il, et ses messages posthumes, ses lettres posthumes seront suffisantes pour montrer que montrer que tout le monde se fout des indigènes, des gens comme lui, qui sont de nationalité algérienne et que ils sont mal considérés. Et ce qu'il veut après Libération et avant, enfin tous ces autres coups, il veut se faire tuer par la police. Et lui dit je m'habille en type des banlieues parce que je suis sûr comme ça que les keufs ils vont me tirer dessus. Et voilà, ce qu'il veut, c'est être buté. Il y a un côté sacrificiel. Suicide by cop. Ouais, c'est ça. C'est le suicide par policier interposé. Exactement. Ouais. C'est ce qu'il cherche. Concernant son corpus politique, finalement, c'est un enfant perdu d'une cause inatteignable. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a gravité dans la mouvance anarcho-libertaire, dans le milieu autonome, dans les sections carrément anti-Le Pen. C'est assez intéressant. Ce qu'il défendait comme cause. Et lui, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un garçon qui n'a pas fait vraiment d'études et qui est un autodidacte et qui est quand même, il est vraiment devenu philosophe, quoi. Et lui dit, il a été impressionné par Héraclite, Rousseau, Babeuf, Hegel, Marx, Engels, mais Rosa Luxembourg, Nietzsche, il est finalement assez cultivé, là, sous ses airs de rien du tout, avec son petit sac à dos, son caouet, où traîner de truc en truc. Puis à un moment, il vrille après la rupture avec sa femme, la condamnation en Angleterre et le fait de pas pouvoir voir ses gosses. Et là, il se venge de cette manière-là contre les infâmes journaux putes, donc Libération, BFM, etc. Et il espère se faire tuer par la police. Quel est votre regard sur ce monsieur-là, cet homme-là, Nicolas Demorand? Moi, j'ai surtout eu à gérer avec les avocats de Libé la possibilité donc de faire en sorte, et ça n'avait pas été facile, que Libération puisse être partie civile au procès. J'avais été à la fois atterré par le délire paranoïaque de ses écrits, mais aussi impossible de ne pas noter la structuration intellectuelle, la culture, comme disait Patricia, voilà, oui. Les lectures qu'il a pu faire. Le document était parfaitement aux normes typographiques. C'était pas un texte balancé par un fou furieux. C'était aussi le texte d'un fou furieux, mais le texte d'un fou furieux extrêmement cultivé et extrêmement structuré sur le plan philosophique. Ensuite, moi, j'ai laissé faire la justice, si vous voulez. À partir du moment où le César, le jeune photographe, allait mieux, que ses frais de justice étaient pris en compte, que le journal était sécurisé. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on a pu passer à autre chose, c'est-à-dire continuer à faire vivre le journal, parce qu'encore une fois, il avait été blessé dans ses valeurs. C'est ça ce que je garde. C'était un journal d'ouverture qui, là, a été quand même obligé de se mettre aux normes du 21e siècle, où un média est une cible. On va écouter une dernière archive. Il s'agit de l'avocate de l'époque de Descartes, Maître Emmanuel Hauser-Pélisson. Vous avez donc défendu Abdelhakim Descartes, dit Toumi, au moment de l'affaire Rémopin en 1994. Vous avez appris cette nuit que le tireur parisien, bien c'est lui. Êtes-vous surprise ? Totalement. Totalement surprise. Ce matin, je vous dirais que je suis perplexe. Hier soir, j'étais plutôt halluciné. Et je veux dire que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous a le plus surprise ? D'abord qu'il ressurgisse 15 ans après. C'est long, 15 ans. Et deuxièmement, qu'il commette de tels faits. Alors, il avait soufflé à l'idée à Audry Maupin en 94 d'attaquer la Préfourière. Là, il a donc attaqué le hall du journal Libération. Là, déjà, vous faites la moue. Mais en tout cas, on est dans le registre de l'impulsion ou du calcul. Non, alors, pour moi, il n'a jamais soufflé à Audry Maupin d'aller attaquer la Préfourière. Parce que c'est pas la réalité du dossier. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'impulsion. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion. C'est quelqu'un qui m'est toujours apparu comme intelligent. Comme quelqu'un de raisonné. Tous ses actes étaient des actes raisonnés. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas ça, ce qu'il vient de commettre. Il a une grande part d'ombre, cet homme. C'est quelqu'un que je n'ai jamais pu véritablement cerner. Et alors, quand on l'a décrit comme manipulateur du couple Rémopin, qu'il voyait comme un mentor, ça c'est l'impression également qu'il vous avait faite, ou non, ça aussi pas c'était du tout. Fabriqué Et puis ça, je n'y crois pas. Non plus. Je n'y crois pas. Je pense que il a peut-être joué un rôle d'infiltration. Il a peut-être cru qu'il était au service de la sécurité militaire algérienne ou des services français. Je le voyais plus comme quelqu'un qui infiltrait un milieu autonome ou d'ultra-gauche. Voilà, vous voyez à quel point Maître Emmanuel Hauser-Pélisson est surprise, était vraiment surprise. Ah oui, oui, oui, franchement, ce type Fallot, on ne l'imaginait pas faire ça. Hein. Nicolas Demorand, vous avez eu des nouvelles de la victime ? Alors, j'ai beaucoup parlé avec son père, avec ses parents, avec un certain nombre de ses amis. On a suivi de très très près toute la phase où il était à la Salpêtrière, puis ensuite la phase où il est parti en maison de repos. On avait monté aussi une cellule d'aide psychologique à Libé, parce qu'on c'est traumatisant, enfin je veux dire c'est horrible. Ah, j'imagine. L'endroit où vous passez tous les matins, dont il faut changer la moquette, oui. Vous voyez encore l'impact des balles dans le plafond. Donc il y avait un psy qui recevait les journalistes de la rédac et tous les personnels de Libération qui avaient envie d'en parler, et qui m'avait dit que quand on se prend une balle de derrière et non pas de face, il est très difficile, en fait beaucoup plus difficile de comprendre ce qui s'est passé. De dos, c'est la foudre qui tombe de manière aveugle. Et c'est une balle Brennec, c'est une balle à sanglier qu'il a reçue. Hein. C'est un trou 2 cm de diamètre qu'il a eu. C'est quand même pas rien. Et ça a été miraculeux, puisque ce que m'ont dit les médecins exceptionnels de la Salpêtrière, c'est que la balle a traversé. Ça s'est joué à des petits millimètres. Une toute dernière question, on attend maintenant le procès en assises, on n'a pas la date encore. Non. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès-là, Patricia Toranchot ? Que Descartes s'explique et qu'il raconte, parce que lui, quand même, dit que ce n'est pas intentionnel, qu'il n'a pas voulu tuer César, enfin le photographe qui se trouvait là, que c'est parce qu'il a bougé, qu'il s'est relevé et que du coup sa balle l'a traversé. Donc lui plaide non coupable. Enfin, il dit « je voulais pas, en tout cas j'avais pas l'intention de le tuer ». Donc voilà, après il va nous expliquer ses raisons, qu'il a déjà un peu exposé comme ça. Et puis on verra bien, quoi. Merci en tout cas Patricia Touranchot. Merci également Nicolas Demorand. Merci, je vous avais réquisitionné pour 5 minutes. Vous êtes resté tout le temps de l'émission. Merci, bravo. Allez vite préparer vos 2 heures d'émission. Allez, c'est parti. Ce soir. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. C'est